Maïf. Un conseiller, c'est quoi le rôle d'un conseiller? Vendre à tout prix ou conseiller avant tout? À la Maïf, chaque acte compte. Nos conseillers ne sont pas rémunérés à la commission et n'ont rien à gagner à vous proposer un contrat plutôt qu'un autre. Bref, le seul intérêt qui est en jeu, c'est le vôtre. Maïf, assureur militant. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Diplomate au bord de la crise de nerfs, une série de Franck Cuvelier réalisée par Véronique Samouilov. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'avec l'ENA qui ferme la diplomatie à un coup dans l'aile et qu'entre Greta Thunberg et Angelina Jolie, et après qu'un homme ait été assassiné et débité en morceaux dans une ambassade, on se demande bien parfois à quoi servent encore les conversations feutrées des diplomates et surtout à quoi ressemble une journée d'ambassadeur. Et dans vos oreilles aujourd'hui, un café, une clinique vétérinaire, un voyage en voiture et une soirée avec cocktail, nappe blanche et vue sur le Bosphore. Mais pour commencer, dernier épisode, on est déjà en retard. Bon alors Hervé Magro, c'est la journée marathon qui commence. Ça commence par quoi? On va commencer par le lycée de Galatasaray, tout simplement parce que c'est un point important de notre dispositif éducatif en Turquie. La formation des jeunes dans notre langue reste évidemment un outil très important pour nous. C'est un beau lycée, une grande allée pavée, entourée de platanes avec des bustes, qui sont probablement les bustes des sultans qui ont régné sur l'Empire ottoman. Des turbans, des fez, et puis peu à peu, des coiffures plus occidentales. France-Turquie ou la diplomatie du « je t'aime, moi non plus ». Merci beaucoup. Un documentaire de Franck Cuvelier, réalisé par Véronique Samouilov. Non, c'était une occasion de vous rencontrer, parce que je suis de passage à Istanbul, sur la route de Bursa, parce que je vais à la Bursa. Nous avions demandé au Quai d'Orsay de pouvoir partager quelques journées de l'ambassadrice de France en Roumanie. Mais le Quai nous a fermement invités à visiter une ambassade plus chaude. La Turquie, par exemple. On a accepté, on n'avait pas trop le choix non plus. Finalement, avec le hasard de nos calendriers et la bienveillante attention des responsables de la communication à Paris et à Ankara, les journées à l'ambassade se sont transformées en une folle journée de déplacement, comme il en arrive parfois dans l'agenda de l'ambassadeur de France, Hervé Magro. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, j'espère. Quand on est ambassadeur, bon, le devoir c'est une chose, mais le plaisir, l'intérêt, vous n'êtes pas complètement par hasard, Hervé Magro, en Turquie quand même. Là vous, évidemment, vous touchez une corde sensible. Bien sûr, je ne suis pas par hasard en Turquie, d'abord parce que le président de la République a souhaité que je vienne en Turquie déjà. Après, pour moi, venir en Turquie, c'est effectivement un peu particulier, puisque mon père a travaillé dans ce pays quand j'avais entre 7 et 13 ans. Sur ma carte d'identité, c'est bien marqué lieu de naissance Ankara. Mais surtout, je me souviens de ces années que j'ai passées entre 7 et 13 ans. J'ai fait du turc à langues orientales, en même temps que mes études d'histoire à la Sorbonne. Et puis, mon premier poste diplomatique a été Ankara en tant que troisième secrétaire. Puis, je suis revenu en Turquie en 2009 comme consul général à Istanbul. Donc voilà, c'est mon troisième séjour diplomatique. C'est évidemment pas banal, mais pour moi, ça a toujours été un plaisir de revenir dans ce pays parce que je crois à cette relation bilatérale et je crois à l'avenir de cette relation bilatérale. Une nouvelle passe d'armes entre la France et la Turquie. Recep Tayyip Erdogan a appelé au boycott des produits français. Octobre 2020. Et il a évoqué une campagne de lynchage des musulmans par certains leaders européens. Alors que se cache-t-il derrière cette crise? Jusqu'où ira la dégradation des relations entre la France et la Turquie et plus largement entre la France et la Turquie? Il y a plein de sujets qui fâchent. Je me disais même que au hit parade des pays avec fâcherie réciproque, je pense que la France et la Turquie sont bien placées. pour avoir un podium. Alors, je les liste pour vous, mais vous les connaissez mieux que moi. Les sujets qui fâchent, la question kurde, la question des migrants aux frontières, la question arménienne, l'occupation de la partie nord de Chypre, les conflits maritimes avec la Grèce et Chypre, les déclarations des élites du pays à l'adresse du président français qui devrait se faire soigner mentalement, la place de la Turquie dans l'Europe, la question syrienne, les droits humains en Turquie, la laïcité à la française, les caricatures de Mahomet qui sont vécues du côté turc comme des choses difficiles à digérer. Voilà. Comment, quand on est ambassadeur, on vit avec toutes ces questions et ces sujets qui fâchent pour faire son métier? Il y a des sujets de désaccord qui peuvent parfois être majeurs. Et en même temps, sur chacun de ces sujets-là, on voit bien Hervé Magro que l'objectif dans l'ambassadeur sur le terrain, c'est à la fois d'expliquer aux autorités locales nos positions et également, bien entendu, avec Paris, de définir la meilleure stratégie possible pour essayer de régler ces différends. Parce que quoi qu'on en dise, la Turquie est un partenaire important. Et je pense que à Paris, il n'a jamais été question une seconde d'avoir une crise majeure avec la Turquie. C'est simplement qu'un enchaînement de crises et un enchaînement d'actions turques sur le terrain, que nous avons considéré parfois agressives, nous a conduit à avoir un dialogue exigeant avec la Turquie. Et quand je dis dialogue exigeant, c'est sans doute un mot un peu diplomatique. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de pays avec lesquels nous avons des différends, je dirais, structurels, parce que nous ne sommes pas dans le même camp. Et finalement, on s'attend à ce type de comportement. Et on voit bien que dans le monde aujourd'hui, beaucoup de pays utilisent d'abord la force avant de discuter. Et nous avons simplement dit aux Turcs, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Quelque part, vous voulez des responsabilités et nous sommes prêts à en discuter, mais ces responsabilités veulent dire aussi qu'il faut que nous en parlions et qu'il faut qu'un certain nombre de comportements changent. Une journée à Istanbul ne commence pas avant d'avoir pris un bon café, turc forcément, dans l'une de ces centaines de ruelles où les terrasses de restaurants se côtoient. Terrasse encore vide ce dimanche matin, car la ville s'est couchée tard et les Stambouliotes, qui ont adopté le brunch, dorment. Dilara, notre jeune guide et traductrice, étudiante en sociologie, nous laisse choisir une table. À peine assis, celui qui semble être le serveur en chef s'approche. Souriant, nous sommes ses premiers clients. Nous en profitons pour engager la conversation. Qu'est-ce qu'il imagine que les Français pensent des Turcs? Sizce Fransızlar Türkler hakkında ne düşünüyordur? Bence Fransızlar kendimce söylüyorum. Benim düşüncem olarak Fransızlar egolu bir insan. Türklere karşı. Il dit qu'il pense que les Français les regardent d'une façon hautaine. Qu'est-ce qui lui fait penser comme ça? Bunu düşünme sebebin ne? Çünkü dediğim gibi yani İngilizce bildikleri halde mesela ben sipariş alırken masadan dit que par exemple les Français savent très bien qu'ils ne savent pas parler français mais malgré ça ils parlent tout le temps français. Çünkü çok geldi benim karşıma bu meslekte. Şimdi hiçbirim İngilizce bilmiyor. Et il dit mais c'est quoi, ils savent vraiment pas parler anglais, c'est quoi? Mesela benim düşüncem de şöyle, ben bir gün eğer çok zengin olup Fransa'ya gidersem, mesela Fransa'da bir restoranda oturup je deviens très riche et je vais en France et je m'assois dans un restaurant français et que je passe la commande en turc. Ben bunu sadece düşünüyorum. Yani uygulamaya sokmam hiçbir şekilde. Il dit moi je le ferai pas mais c'est ce que je pense. Dans la cour du Palais de France, là, on est encore trois véhicules. Le premier véhicule, c'est celui de l'ambassadeur, qui est un véhicule blindé. Je vois des serrures, des armements de sécurité. Et puis deux autres véhicules derrière, dont le nôtre. On est parti pour Bursa, à 2h30 de route. qui est une capitale économique et industrielle. Voilà. Bon, quelle heure est-il? 10h moins le quart. 10h moins le quart, voilà. Alors le programme de la journée, avec ma grosse. Écoutez, je crois qu'on va... maintenant, on va prendre la route pour Boursa. Nous avons une rencontre prévue au moment du déjeuner avec le maire, un des maires des grands arrondissements de Boursa. Nous avons une présence notamment économique assez importante. Et puis ensuite, nous rencontrons aussi une association d'hommes d'affaires importante. Encore une fois, Boursa étant pour nous un point d'appui économique avec beaucoup d'investissements français. Et nous conclurons par ce qui est un peu la raison d'être de mon déplacement à Boursa, c'est-à-dire l'intronisation quelque part du nouveau consul honoraire qui vient d'être nommé et pour lequel les autorités turques nous ont donné leur accord. Voilà, donc ça sera une journée pleine. Donc de l'éducation, du business, du protocolaire, du... L'éducation, du business et puis aussi le service aux Français, puisque le consul honoraire, son travail, c'est aussi d'accompagner la présence française sur le terrain, de dépanner nos ressortissants quand ils ont des difficultés, de répondre à leurs demandes. Donc voilà, effectivement, un peu une palette assez diversifiée de tout le travail d'une ambassade à l'étranger. Et on voit bien que pour tous nos interlocuteurs ici, ce qui est important, c'est notre relation au quotidien. Alors évidemment, il y a les problèmes géopolitiques, mais les gens que nous rencontrons aujourd'hui à Boursa sont des gens qui travaillent tous les jours au service de la relation entre la France et la Turquie. Donc il y a évidemment cet aspect géopolitique, la grande stratégie internationale, mais il y a un travail au jour le jour à faire avec ceux qui nourrissent cette relation tous les jours. Donc c'est important de les rencontrer, de leur montrer que nous sommes présents et que nous sommes là pour les accompagner dans ce travail. Bon, eh bien, on est parti. Alors. On est parti. 2h30 de route, c'est parti. Le président turc est connu pour ses discours enflammés et peu diplomatiques. Nouvel exemple, il y a quelques heures avec cette attaque contre Emmanuel Macron, le président français. Qu'est-ce qu'il dit? Que ce n'est pas avec le peuple turc, mais avec Erdogan qu'il a des problèmes. Cher Macron, tu n'as pas fini d'avoir des ennuis avec moi. La cause de cette colère est le soutien affiché de la France à la Grèce et à Chypre. Ces deux pays accusent la Turquie... Est-ce que vous pouvez prendre un exemple picoré dans la liste des sujets qui fâchent, un ou deux qui vous semblent exemplaires des difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui quand on est diplomate et vivre avec ces questions brûlantes? Je pense que la Syrie est le bon exemple parce que quelque part, l'opération turque en octobre 2019... Hervé Magro. La Turquie décide d'intervenir dans le nord-est syrien. Nous sommes présents sur le terrain et les Américains sont présents sur le terrain. Là, nous considérons qu'une offensive turque dans le nord-est syrien... met en péril quelque part toute l'opération qui a été menée depuis des années de lutte contre Daesh. Parce que elle remet en cause un certain équilibre que nous avons trouvé sur le terrain. Et là, on voit bien qu'il y a sans doute quelque part un défaut de communication et de dialogue, parce que la ligne privilégiée, c'est Ankara-Washington. Et d'un autre côté, nous avons des intérêts majeurs de sécurité et de sécurité nationale à défendre en cette région. Cet épisode entraîne, je pense, une rupture de confiance entre les deux parties et qui va ensuite s'accentuer tout au long de l'année 2020 parce que, globalement, la Turquie mène un certain nombre d'actions dans la région sans nécessairement nous en parler. Et donc nous faisons passer le message que ce n'est pas en imposant des solutions qu'on va les résoudre, ces problèmes. Istanbul. Alors, on arrive dans la ville de Boursa. Après avoir traversé pendant 2h30 un paysage un peu aride, et puis ensuite fait de champs d'oliviers, de figuiers, de noisetiers, on était séparés du véhicule de l'ambassadeur, puis soudain on le rejoint accompagné d'un véhicule de police et d'un motard de la police. Évidemment, notre autre rôle, et celui qu'on voit le moins, c'est celui de travailler sur le terrain, d'aller à la rencontre des gens, parce que c'est un pays où il y a différentes sensibilités qui s'expriment, où les autorités ont aussi à convaincre leur propre opinion publique sur un certain nombre de sujets. Donc il y a des vrais débats. Et évidemment, les municipalités ont toute leur place, et en Turquie, il y a beaucoup de municipalités de plus d'un million d'habitants, beaucoup plus qu'en France, qui ont un rôle très important dans la vie quotidienne des gens. On vient d'arriver à Bursa, les voitures se sont garées les unes derrière les autres. On est dans une petite rue, il fait chaud, plein de petits commerces, des gamins qui passent avec des chariots, puis à côté de ça, les officiels, le maire, le consul honoraire, en beau veston, cravate, bien apprêté. Quand même un homme de sécurité qui est devant la porte du restaurant, discrètement habillé. C'est un petit restaurant qui ne paye pas de mine. En fait, ce restaurant, il est connu pour être localement le restaurant où on fait les kebabs au beurre. Le merveille d'arriver. Il y a énormément, énormément de préjugés sur la Turquie et de raccourcis sur la Turquie qui courent dans les capitales occidentales. Jana Jabour. Je dirais que le premier préjugé, le préjugé principal, celui qui est le plus répandu, c'est que la Turquie ne veut plus de l'Union européenne. La Turquie veut même sortir de l'OTAN, qu'elle tourne le dos à l'Occident pour s'engager dans une diplomatie qu'on qualifie de pan-islamiste, de néo-ottomane ou même de diplomatie anti-occidentale. Je pense que là, c'est une idée très simpliste, c'est un gros raccourci. Alors, en fait, depuis le début du XXIe siècle, la Turquie a tout simplement pris acte de l'avènement d'un nouvel ordre mondial, un ordre mondial qui est marqué par la multipolarité et par même le basculement de la puissance de l'Occident, du Nord, vers les puissances moyennes du Sud. Donc il s'agit beaucoup moins d'une volonté de réorienter la politique étrangère turque dans une direction anti-occidentale que d'un désir d'agir en toute autonomie dans la défense de ses intérêts nationaux. Tout le long de la petite rue de notre restaurant spécialisé Doner Kebab au beurre, il y a des cafés. Et à leur terrasse, assis sur des tabourets, des hommes qui jouent au domino, égrènent un tesbih entre leurs doigts ou feuillettent le journal en buvant un café et en prenant le soleil. Il suffit qu'un sujet de conversation soit lancé et les voilà partis. Ce sont, comme les appelle notre guide Dilara, les philosophes de 11 heures. Halbuki bunun yerine Fransız aydınları, Türk aydınlarını fazla germese, fazla tepeden bakmasa. Il dit que si les intellectuels français ne regardaient pas les Turcs d'une façon hautaine, on s'entendrait mieux et que pour la Méditerranée, la France et la Turquie, bah, ce serait gagné-gagné. Alors j'ai une question pour monsieur. Il imagine que demain, il est ambassadeur de Turquie en France. Qu'est-ce qu'il fait en premier ? Fransa halkı, Türk halkı ve Akdeniz ülkeleri birimizin birbirimizden farkı yok ki. Il dit que de toute façon, le peuple français, le peuple turc, c'est la même chose. Il dit ce qui crée la différence, c'est les politiques. En France, il y a une obsession en Erdogan et il y a une tendance à réduire la Turquie comme pays, mais aussi la politique turque, à la personnalité du président Erdogan. Jana Jabour. C'est là un raccourci et c'est là quelque chose qui nuit énormément aux relations de la France avec la Turquie, parce qu'il y a une très grande diversité d'acteurs en Turquie, d'acteurs notamment politiques, qui joue un rôle influent dans la détermination de la politique étrangère et de la diplomatie du pays. Je pense notamment à des acteurs au sein du ministère des Affaires étrangères, mais aussi je pense à l'armée, dont le rôle n'est pas complètement terminé. L'armée reste un acteur principal, même si ses prérogatives ont été écourtées et limitées. Donc, à vouloir vraiment se focaliser entièrement sur la personnalité d'Erdogan, on laisse de côté énormément d'opportunités qu'on aurait pu exploiter pour construire de meilleures relations avec la Turquie. Et évidemment, je pense aussi aux nombreux acteurs économiques turcs avec qui on peut construire de véritables relations basées sur des relations commerciales, économiques, basées sur des intérêts communs. Là aussi, des relations qu'on néglige tellement on est focalisé sur la personnalité du président turc. Alors, il dit que la Turquie va devenir un super pouvoir, une super nation, que l'économie grandit, que maintenant tous les jeunes sont en train d'étudier. Et il m'a dit de vous dire de bien tenir les relations entre la France et la Turquie. On est toujours dans la même petite rue, on a bloqué la rue, toutes les voitures attendent. Et comme il y a des policiers, personne ne klaxonne pour l'instant. Alors là, on va partir dans un hôpital pour animaux. Ça a l'air anecdotique, mais ça l'est peut-être moins qu'on le pense. L'hôpital pour animaux de Bursa a été fondé par un ancien consul honoraire, donc un Français installé ici. Le maire est parti en avance, apparemment pour nous attendre et officiellement nous accueillir, en tout cas accueillir l'ambassadeur, le consul, l'adjoint du consul, le consul honoraire. Alors pourquoi un hôpital pour animaux? Parce que aussi la femme du président Erdogan est très attachée à la défense des animaux. Raison pour laquelle, symboliquement, cet hôpital pour animaux prend tout son sens. Voilà la raison pour laquelle on est parti en convoi de nouveau pour rejoindre cet hôpital. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. Vous ne connaissez même pas l'histoire de France. Septembre 2020. Ne cherchez pas querelle au peuple turc. Ne cherchez pas querelle à la Turquie. Officiel. Scène tout à fait charmante. Des petits chatons sont en train de manger à l'intérieur d'une gamelle en présence du maire et en présence de l'ambassadeur, un médecin à côté. Voilà, ça semble important. C'est quand même le maire de Bursa, grande ville industrielle, l'ambassadeur de France. Un hôpital pour animaux qui a été créé par un consul français au 19e siècle. C'est pour ça qu'on le visite. Le maire offre un nichoir, deux nichoirs, à l'ambassadeur de France. Rouge, bleu. L'ambassadeur et le maire tiennent le nichoir et le présentent au photographe. Dans la rue, il y a toujours une voiture de police qui surveille. Bon, monsieur l'ambassadeur, on manque un peu d'interprétation, mais il y a des choses pour lesquelles il faudra quelques clés pour nous, pour comprendre l'intérêt, comprendre la stratégie, les nuances. Par exemple, vous êtes allé dans un hôpital pour animaux, vous avez pris des petits chatons dans les mains, Quel est l'intérêt pour un ambassadeur de faire ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui, c'est important. Oui, il y a même une loi qui est passée très récemment pour protéger le droit des animaux. C'était présidé par la femme du président en personne. Et une des récompenses qui a été donnée était pour la restauration de ce petit hôpital de quartier. Et pourquoi j'étais invité, simplement parce que c'était la maison d'un de nos consuls au 19e siècle. Et donc nous avons été invités à venir au palais présidentiel pour assister à la remise de ce prix. Voilà, et quand j'ai rencontré le maire à cette occasion-là, Ben on s'était dit qu'on se reverrait ici à Bursa et que lors d'un de mes prochains déplacements, je viendrai le rencontrer. Et plutôt que de me faire venir dans son bureau pour avoir une discussion, ben vous avez vu, d'abord on a organisé un déjeuner convivial, puis ensuite c'était symbolique avant tout. Ça y est, on est reparti. L'ambassadeur marche côte à côte avec le maire. On reprend la petite ruelle. De marchands de souvenirs, une trentaine de personnes dans la délégation. Et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi cette une, vous l'avez peut-être déjà découverte hier soir, cette une qui provoque, on pouvait s'y attendre, la colère de Recep Tayyip Erdogan, une caricature signée Charlie Hebdo. Octobre 2020. Non pas cette fois du prophète Mahomet, mais bien du président turc lui-même, l'homme fort d'Ankara, et vous le voyez représenté en sous-vêtements, bière à la main, soulevant la jupe d'une femme voilée, mais dévoilant ses fesses nues, et cette légende qui l'accompagne dans le privé, il est très drôle. À Ankara, la présidence déjà sous tension hein, avec l'Elysée, faut-il le rappeler, a évidemment réagi. Ludovic de Foucault, bonjour, vous êtes notre correspondant en Turquie. La Turquie qui a dit ce matin prévoir en réponse une action judiciaire et diplomatique. Recep Tayyip Erdogan s'adresse d'ailleurs ce matin à son groupe parlementaire, l'AKP. Quelle heure il est, Alexia, là ? 14h28. On est dans les temps ? Oui. C'est une première dans l'histoire des relations entre la France et la Turquie. Paris a rappelé son ambassadeur à Ankara, une façon de protester contre les propos de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a mis en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron après ses propos sur les caricatures du prophète Mahomet. Une attitude inacceptable, juge l'Élysée. Que peut-on dire d'un chef d'État qui traite de cette façon des millions de personnes de son propre pays ayant une foi différente? D'abord, qu'il aille faire des examens de santé mentale. Là, on atteint quelque part une sorte de pic, puisque j'ai été le premier ambassadeur de France rappelé en France dans l'histoire des deux républiques. Et je crois encore une fois que cet épisode nous a montré qu'il fallait absolument qu'on se parle de toutes les questions, y compris de celles qui peuvent être particulièrement compliquées, parce que nos deux pays ont encore une fois des intérêts communs importants et il ne faut pas laisser s'installer des différences sur des questions qui sont assez fondamentales pour les uns comme pour les autres. Là aussi, il y a de nombreuses blessures dues à la Turquie portées par la France. Je dirais que la première blessure relève de la question culturelle et identitaire. Jana Jabou. Les Français ont l'impression que la Turquie ne respecte pas leurs valeurs et les principes défendus par la République, notamment la laïcité et la liberté d'expression. Par exemple, ils ont très mal pris le silence d'Ankara sur l'assassinat du professeur Samuel Paty et avant cela des journalistes de Charlie Hebdo. Et ils perçoivent cela comme une caution du terrorisme islamiste. Et l'autre blessure, qui relève toujours du manque de respect en quelque sorte, c'est l'affaire des caricatures de Mahomet qui ont représenté vraiment une blessure et une plaie qui reste ouverte aujourd'hui. Ensuite, l'autre blessure est due au traitement de la question kurde. Le fait que la France soutienne le PYD en Syrie est aujourd'hui vécu en Turquie comme une trahison et comme un manque d'empathie à l'égard des Turcs pour qui le PYD représente une menace sécuritaire. Aujourd'hui, pour résumer un peu, les Turcs pensent que lorsque la France a ses intérêts en jeu, elle n'hésite pas du tout à sacrifier les intérêts et la sécurité nationale de ses propres alliés, en l'occurrence donc la Turquie. Et enfin, je dirais que la dernière blessure a trait à la candidature turque à l'Union européenne. En fait, les citoyens turcs, mais aussi le leadership évidemment, se sentent blessés dans leur fierté nationale, ils se sentent même humiliés et rejetés à chaque fois qu'un homme politique français remet en question l'identité européenne de la Turquie. Les Turcs ont vraiment le sentiment que la France a manqué à son devoir de soutenir la candidature de leur pays à l'Union européenne. Donc on s'est arrêté sur une place devant un grand bâtiment tout neuf. C'est moderne, magnifique. Rentrons à l'intérieur, en délégation toujours. Le hall fait une sphère qui repose sur des pieds, des baies vitrées partout, du marbre au sol. C'est un musée. L'ambassadeur de France est promené par le maire de Bursa dans une enfilade de tableaux au format de 2 mètres sur 1, très réaliste, et qui raconte les grands moments historiques de Bursa et le moment de sa libération et de son annexion à la Turquie. C'est un musée de reconquête nationale, de glorification de l'histoire et de la ville de Bursa. Alors, la diplomatie est censée être rationnelle. Raisonnable, rationnel, logique. Etem, eldem. Et le problème, c'est qu'elle ne l'est jamais entièrement. Et notamment lorsqu'il y a des différences, entre guillemets, culturelles, entre deux pays. Et c'est le cas de la Turquie. Depuis le XVIe siècle, la France et cette Turquie-là ont des rapports. Des rapports qui sont diplomatiques, parfois des alliances, des intérêts économiques partagés. Mais il y a une dimension affective, émotionnelle, irrationnelle, qui est très forte. Je t'aime, moi non plus. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que certains des phénomènes les plus irrationnels sont les plus présents dans la culture politique de la plupart des pays. Je pense au nationalisme, puisque le nationalisme n'est pas rationnel. Et pourtant, c'est quelque chose de très puissant. Dans le cas de l'Empire ottoman et de la Turquie, l'orientalisme fait partie un peu de la vision française de la Turquie. C'est-à-dire la réduction de l'Orient à une sorte de caricature de lui-même, avec des éléments qui sont considérés essentiels et qui ne peuvent pas changer avec le temps. C'est-à-dire que pour les Occidentaux, au XVIIe, au XVIIIe, mais même aujourd'hui, l'Orient est en quelque sorte congelé dans le passé et n'arrive pas à s'en tirer parce qu'il n'a pas en lui-même les éléments nécessaires pour se rénover. Et par conséquent, le seul moyen de briser ce carcan de l'immobilisme de l'Orient, c'est l'occidentalisation. C'est-à-dire d'abandonner tout ce qui est élément d'orientalité et épouser la modernité. Donc c'est une vision extrêmement ciblée. Elle a un côté positif puisque c'est aussi l'exotisme, c'est le harem, c'est les fastes du palais, c'est les beaux costumes, c'est très haut en couleur, mais au fond, c'est profondément condescendant et ça suppose l'infériorité de l'Orient, une infériorité que l'on féminise, c'est-à-dire que l'on parle de la fertilisation de l'Orient par l'Occident afin de le tirer de cette situation dans laquelle il se trouve embourbé. Donc c'est vraiment très lourd. On monte un escalator et puis alors on arrive, sans y être préparé, on arrive finalement à l'intérieur de cet immense dôme qu'on voyait au sous-sol. Et ce dôme immense qui doit faire 40 mètres de haut, 100 mètres de large, une espèce d'immense géode, et peint du paysage de Bursa avec une multitude de scénettes moyenâgeuses, des cigognes dans le ciel, des paysans, des éleveurs, un marché, des chèvres, des campements, une caravane de chameaux, un fort habité par des soldats au loin, des montagnes enneigées, des chemins sinueux, la vallée, une rivière, époustouflant. Donc vous avez sur une surface qui s'étale sur 2500 mètres carrés les images. 11 000 üzerinde. Donc vous avez donc des individus, des figures, plus de 10 000 figures. Burada tabii şehir orası ama şehrin dışında da yaşam var. Yani orası ise köyler, mahalleler var ve millet insan ayının güzelliğini yaşıyor. Vie qui s'étale autour de cette citadelle. Le le problème fondamental de la perception par les Turcs de l'Occident, donc l'Europe, la France, et Temelden, c'est cette contradiction entre l'admiration et la haine, puisqu'il y a des deux. Et ça se comprend. L'admiration, elle est évidente à partir du début du XIXe siècle, puisque les Ottomans se rendent compte que, militairement, économiquement, politiquement, diplomatiquement, culturellement, leur machine ne tient plus la route. Et que par conséquent, il y a un modèle qui marche mieux. C'est le modèle occidental. Et ce modèle, on l'imite d'abord dans ce qu'il a de plus concret, l'exercice militaire, l'uniforme, la technologie, en fait, tout le bric-à-brac purement matériel, mais aussi logistique, marché au pas, ou alors la technologie pour bâtir des navires de guerre. Bon, on passe de la galère au vaisseau, etc. Donc tout ça, c'est le côté purement matériel. Fascination. On est toujours dans la fascination. C'est une fascination et un point de vue extrêmement pratique, pragmatique. Et ce qui fait un peu plus mal, c'est lorsque la technologie ne suffit plus et que l'on commence à douter de son système dans ce qu'il a de plus profondément culturel. C'est-à-dire la politique, la littérature, les arts, la science. Parce que le propre d'un empire, c'est un peu le phénomène chinois, il y a beaucoup de nombrilisme. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'on est le centre du monde et par conséquent, on n'a rien à apprendre des autres. Donc on est persuadé de la légitimité de la perfection de son système. Tout d'un coup, on est confronté à une autre culture. Et cette autre culture est différente et apparemment plus efficace, plus performante. Psychologiquement, ça n'est pas facile. Et c'est là que le doute s'installe. C'est là qu'on commence à douter de soi. Et ça, ce n'est pas facile. Donc ressentiment. Bon, alors, on continue à visiter le musée, à monter. Pendant ce temps-là, surpris par la visite imprévue, on voit s'agiter des agents de la petite boutique du musée remplir des sacs de cadeaux, probablement pour l'ambassadeur. C'était pas prévu, alors il faut laisser une trace. On court partout. Voilà. Moi qui suis très près des documents, je vois par exemple une rengaine sempiternelle dans les documents des années 1840-1850, lorsque les Ottomans veulent promouvoir un nouveau système, une nouveauté, ils disent dans les documents qui sont adressés à leur propre sujet ou à l'administration, ils disent « c'est comme cela que ça se fait dans les pays civilisés ». Quand vous dites ça, vous avez déjà perdu. Vous admettez implicitement que vous n'en faites pas partie. Et ce stéréotype, ce cliché de la perfection de la civilisation à laquelle on n'a pas encore accédé, il est présent dans le discours politique aujourd'hui. Et c'est là que vous arrivez aux années 1850-60 et que vous voyez que tout se fait et se mesure à l'aune de l'Occident. Vous entrez dans l'engrenage d'un complexe d'infériorité. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous compensez, bien sûr, par un nationalisme à outrance. France, Alchisi, Jean de la Forêt. Ambassadeur de France, Jean de la Forêt. Kralımız François, Yüce Sultan Süleyman Han'ın selamlar. Notre roi François salue le sultan suprême Süleyman Khan et espère que leur amitié durera toujours. Dans ce monde, les amis de l'Empire ottoman sont toujours en sécurité. Le roi de France a pris la bonne décision. Les ennemis de nos amis sont nos ennemis. Sultanım, Sultan, notre roi propose une alliance pour vaincre Charles Quint, roi d'Espagne. Nous acceptons cette alliance. Mais comment savoir si le roi de France ne nous laissera pas tomber? La France est le plus grand pays d'Europe. Elle agit en fonction de sa puissance. La promesse de notre roi est solide. N'oubliez pas que j'ai sauvé le roi de France de la captivité. Sinon, il ne resterait ni la France, ni votre roi. Il faudrait quand même rajouter quelques mots sur cette diplomatie de la Turquie, cette diplomatie qui est très mécomprise en France. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a tendance à penser que la diplomatie turque est cette diplomatie vraiment agressive, une diplomatie de conquête, une diplomatie néo-impérialiste. Or, en réalité, il s'agit tout simplement d'une diplomatie de puissance émergente qui cherche à s'affirmer sur la scène internationale et qui cherche à conquérir un statut qui est digne de sa grandeur passée, à savoir la grandeur de l'Empire ottoman. Sultan suprême, nous n'avons pas oublié le soutien des Ottomans. Cependant, le roi Charles Quint vous a pris la Tunisie. On dit qu'il rêve même de reprendre Istanbul après cela. Comment osez-vous? Comment osez-vous parler ainsi en tant qu'officier d'État français? Pardonnez-moi, Sultan suprême, je n'avais pas de mauvaises intentions. Si Charles Quint était un empereur, il m'aurait affronté il y a 4 ans. Il paiera chèrement son attaque. Même s'il se transforme en fourmi dans son nid, en oiseau volant dans le ciel, nous l'aurons. Avec la volonté de Dieu, nous nettoierons le monde de sa souillure. Il y a aujourd'hui une série en Turquie, une série télévisée qui bat des records. Il s'agit de la série historique Le siècle magnifique. C'est une série qui parle de l'histoire et de la biographie du sultan Soliman le Magnifique, donc qui a régné au XVIe siècle. Et en fait, il y a un épisode complet qui fait à peu près 1 heure, qui a été entièrement consacré pour reconstituer un épisode historique, à savoir l'épisode où François Ier est détenu captif chez les Habsbourg. Et en fait, on voit tout au long de cet épisode Jean Frangipani venir supplier le sultan ottoman. On le voit à genoux, on le voit implorer le sultan ottoman pour venir aux aides des Français. Que les Turcs choisissent de consacrer un épisode de la série, un épisode d'une heure, pour justement reconstituer cet épisode historique, ça en dit long quand même sur cette volonté de prendre sa revanche sur l'histoire, en montrant que la Turquie a par le passé été un acteur incontournable du système international, qu'elle a été puissante, et qu'aujourd'hui, elle entend justement prendre sa revanche encore une fois, en devenant un acteur puissant de la scène internationale et en démontrant qu'elle n'est plus ce qu'on a qualifié un jour l'homme malade de l'Europe. Nouvel arrêt dans un parc. Apparemment, c'est le siège de l'Association des entrepreneurs. Dehors, ils ont installé une table, en tout cas un assemblage de grandes tables recouvertes d'un drap blanc, avec dessus, bien sûr, le drapeau français, le drapeau turc, et puis tout autour, des chaises, deux bureaux qui sont plantés dans le gazon, des chaises majestueuses, assez grandes. Les uns et les autres s'assoient en gardant leurs vestes, costumes, cravates, une grande élégance, sous un pin. L'ambassadeur parle, il fait toujours, de loin, il fait toujours quelques mots d'introduction qui font sourire ses convives. On est tenu un peu l'écart maintenant. Bon, ça s'est bien passé ? Bah écoutez, oui, c'était. Je pense que c'était utile. Hervé Magro. Nous sommes dans une ville qui est assez touchée par les problèmes industrielle du moment, l'augmentation des matières premières, mais aussi le problème des puces électroniques qui rentrent dans la fabrication des automobiles. Et évidemment, Bursa étant le centre en Turquie pour la construction automobile, ils sont très touchés par ce problème-là. Alors c'était intéressant de voir leur vision des choses, c'est qu'eux le considèrent quelque part comme un exemple concret de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Avec aussi quelque part l'espoir que finalement les Européens redécouvrent l'importance de travailler en Turquie, qui est aux portes de l'Union Européenne. Et comme la France assurera la présidence de l'Union Européenne à partir du mois de janvier... Vous avez fait finalement quand même de la géopolitique, de la pure diplomatie... Tout à l'heure, dans ce petit jardin, en plein air, autour d'une table, avec des fauteuils disposés dans l'herbe. Mais oui, parce que ce sont des alliés majeurs pour nous. Et ils comprennent que finalement, ils ont beaucoup à y gagner, parce qu'ils auront accès au marché européen, qui reste pour eux le premier marché dans lequel ils exportent. Jana Jabour, y a-t-il une raison pour laquelle la Turquie tient à la France ? Oui, plusieurs raisons même, je dirais. La Turquie tient à la France, d'abord du fait des relations historiques entre les deux pays. Certes, des relations qui ont, à travers l'histoire, été des fois tumultueuses, mais elles sont très importantes, elles sont solides. La France, et ça c'est un point très important, la France est aussi un partenaire commercial important pour la Turquie. Il y a évidemment aussi le poids de la diaspora turque en France. La France est finalement le deuxième plus grand pays d'accueil de Turcs. Et bien sûr, c'est là aussi un point essentiel, Ankara tient à la France du fait du rôle clé que joue la France au sein de l'Union européenne. La France est très importante pour les négociations sur la candidature turque à l'Union européenne. Et comme il y a toujours, je dirais, en Turquie, ce désir fort d'Europe, eh bien la France est un acteur clé à cet égard parce qu'il peut justement contribuer à faciliter les négociations entre la Turquie et Bruxelles. À Istanbul, c'est la pré-rentrée universitaire. Et d'après notre jeune guide, Dilara, c'est notre meilleure chance de croiser des étudiants qui acceptent de nous parler, justement de l'image de la France en Turquie et vice-versa. Devant l'université de Başakşehir, les inscriptions se font dehors, sur des tables installées dans la rue, et en face, dans un café d'une chaîne américaine, une jeune fille boit un café américain. Merhaba, benim adım Derin. Bonjour, je m'appelle Derin. Quand elle entend parler de la France, qu'est-ce qui lui vient comme image, comme idée, voilà. Elle dit que ça lui fait penser à des repas délicieux et qu'elle imagine un homme super gentil dans un beau restaurant avec son verre de vin à la main. Maintenant, comment est-ce qu'elle imagine que les Français voient la Turquie et voient le peuple turc, les Turcs ? Türklerin hepsi bildiği fakat nasıl desem? Şimdi Türk halkının birazcık daha kural tanımlı. Elle dit que bien évidemment tous les Turcs ne sont pas pareils, mais les Turcs ils ont peut-être une tendance à ne pas reconnaître les règles, à faire ce qu'ils veulent. Et elle dit que ça peut être contre la discipline des Français. Qu'est-ce qui, à votre avis, porte les Turcs comme lunettes faussées vis-à-vis de la France ? Avec quels clichés ils nous voient contre lesquels vous avez envie de réagir ? Par exemple, c'est l'idée que la France est hostile par nature à la Turquie. Parce que nous sommes anti-Turcs. Et moi, je rappelle toujours à mes interlocuteurs turcs qu'ils n'ont qu'à regarder la presse française dans les années entre 2002 et voilà, dans les premières années du parti qui est aujourd'hui au pouvoir. Et c'est une presse dithyrambique sur l'exemple turc pour toute la région. Et étant consul général à Istanbul, je peux en témoigner, nous avions un flot de visiteurs, pas seulement français d'ailleurs, du monde entier, venant à Istanbul pour découvrir le pays où il fallait être et la ville où il fallait être. Parce que c'était l'image d'une modernité, d'un libéralisme, d'une démocratie qui était en train de s'installer, etc. Il faut regarder la presse de l'époque. Donc la question, c'est plutôt comment on est passé de cette situation-là à une situation où aujourd'hui, on voit bien que, pas seulement dans la presse française d'ailleurs, on a une autre image. Et donc, ce n'est pas parce que nous sommes anti-turcs, c'est parce qu'il y a un moment où bah, nous considérons que les actions entreprises par les autorités turques ces derniers temps ne correspondaient plus à l'image qu'on avait de cette Turquie-là du début des années 2000. Et donc, il faut aussi expliquer ça, que si nous prenons les positions que nous prenons aujourd'hui, c'est simplement parce que nous considérons, mais on peut se tromper sur certains sujets, là-dessus, je suis ouvert à la critique aussi, mais nous considérons que sur certains sujets, nous n'avons plus en face de nous le partenaire que nous aurions souhaité avoir. Voilà. Ben voilà, on sort de la chambre de commerce de Bursa, il est 5h moins 5. Et ensuite Ça sera un peu la partie formelle avec l'installation de notre consulat honoraire, mais que vous avez déjà vu au travail, donc voilà, c'est un peu la partie formelle où on va lui remettre le diplôme formel, l'autorisation des autorités turques pour qu'il soit consul honoraire. Ça va ? Vous n'êtes pas trop fatigué ? Oh ben écoutez, non, ouais, c'est, on boit beaucoup de thé comme vous l'avez vu. A tout de suite. En Turquie, le grand ménage n'est pas terminé. Juillet 2016. Ce sont les autorités turques qui l'affirment elles-mêmes. 47 nouveaux mandats d'arrêt ont été lancés ce mercredi contre des journalistes et ex-employés du quotidien Zaman. Et des arrestations ont eu lieu dans les heures qui ont suivi. Cette énième vague d'arrestations porte à plus de 40 000 le nombre de personnes arrêtées depuis juillet, d'après l'organisation Turkey Purge qui tient les comptes. Plus de 123 000 personnes ont été licenciées, notamment dans la fonction publique, la justice et l'enseignement, et de nombreux organes de presse fermés. La diplomatie, ce devrait être quand même la recherche des négociations et des solutions idéales en trouvant des intérêts communs. Donc, ce devrait être mathématiquement parfait. Or, ce qui se passe aujourd'hui n'est absolument pas parfait, on en est très loin. La Turquie est en train, le gouvernement turc, et notamment le président Erdogan, est en train de jouer la carte de la démonisation, de la satanisation de l'Occident à des fins purement électorales, pour satisfaire le nationalisme ambiant en Turquie. Et d'un certain point de vue, les hommes politiques, les femmes politiques en France, comme en Europe, utilisent souvent l'épouvantail très orientaliste du Turc barbare, sanguinaire, fanatique, et qui, par conséquent, va chambouler l'ordre et la discipline de l'Europe à des fins essentiellement politique interne. Donc d'un côté comme de l'autre, l'idéal de la diplomatie, si l'on veut vraiment atteindre une sorte de perfection, ce serait un monde où la Turquie serait en passe d'accéder à l'Union européenne. Or, après une très courte euphorie en 2004, on en est probablement à un des points les plus bas pour ce qui est de cette accession. Et pourtant, c'est dans l'intérêt des deux côtés. Là, on rentre dans le hall d'un hôtel dans lequel la réception va avoir lieu. On nous invite à aller sur la terrasse. Une quantité de gens, de la communauté française et turque, probablement, on entend les deux langues. C'est pas tout à fait la soirée de l'ambassadeur, mais enfin presque, c'est la soirée de l'ambassadeur et du nouveau consul. Alors, il y a des petites tables drapées avec des plis ravissants autour des petites tables des invités, des coupes de champagne ou de cocktails Bellini. Des gens passent en distribuant des petits fours, des bougies sur les tables. Puis au loin, la lune, presque pleine lune. Devant nous, la mer de Marmara. Au loin, les montagnes, les lumières des ferries qui passent. Là, on est conduit vers l'intérieur de la salle. Toute la foule est rentrée. Les gens ont des verres de champagne à la main. Et l'ambassadeur de France, Magro, devrait normalement introniser le nouveau consul honoraire ici même. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le maire de Bursa, chers membres de la communauté universitaire, des milieux d'affaires, Monsieur le Consul Général de France à Istanbul, Messieurs et Mesdames les Consuls Honoraires, Mesdames et Messieurs, chers amis, Sayın Milletvekili, Sayın Büyükşehir Belediye Temsilcisi, Nilüfer İlçenin Sayın Belediye Başkanı, félicitations, Monsieur le nouveau consul honoraire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste une question. Tout à l'heure, dans votre discours, vous avez dit que vous avez beaucoup aimé la diplomatie chaleureuse de M. Magro. Qu'est-ce que ça veut dire ? En Turquie, on a une compréhension de la diplomatie comme étant un peu l'élite pour les élites. Par contre, avec M. Magro, sa façon de se rapprocher de moi était chaleureux, vraiment. Et comment dire ? Je suis pas très. je sais pas. Hein. Il faut que je réfléchisse en turc d'abord. Après. Oui, d'accord, allez-y. Comment est-ce que je dois être politiquement correct ? C'est dans des mots qu'il faut dire, des mots qu'il faut pas dire. Chaleureux, ça veut dire quoi pour vous ? En turc d'ailleurs, vous le traduisez comment ? Sıcak. Du sang chaud, un peu approche méditerranéen, contact personnel, accessibilité. Donc pour moi, c'est la diplomatie chaleureuse, c'est ça. Aujourd'hui, ce que les diplomates turcs recherchent et ce que le leadership turc recherche, c'est d'être reconnu comme égal par les diplomates étrangers. Les diplomates turcs incarnent aujourd'hui la nouvelle diplomatie de la Turquie, qui est essentiellement une diplomatie d'affirmation de soi, une diplomatie de quête de respect et de reconnaissance. Donc si on leur donne ce respect qu'ils recherchent, eh bien les Turcs sont prêts de donner et d'offrir des concessions tant que vraiment on les reconnaît comme un acteur à part entière de la scène internationale. Avrupa Birliği'ne girerse Avrupa'nın kârı ne olur, menfaati ne olur? Türkiye'siz Avrupa Birliği olamaz, düşünülemez ya. Mümkün değil ya. Si la Turquie s'intègre dans l'Union européenne. Alors c'est quoi pour la Turquie ? Il dit pour la Turquie ça change pas grand-chose. Enfin c'est à peu près ce qu'il dit. Après ce qu'il a dit c'est que une Union européenne sans la Turquie c'est inimaginable parce que la Turquie c'est un pays au milieu, c'est ça connecte. Avec Hervé Magro, Jana Jabour, Ethem Eldem, documentation Anne-Lise Signoret. Merci à Dilara Turali, Chilal Saritaili, Defne Beyraktar, Alexia Jarreau et Romain Boyer. Prise de son Alexandre Abergel. Mixage Claude Niort. Attaché d'émission Marie-Vonne Abolivier, coordination Perrine Carvron. C'était Diplomate au bord de la crise d'honneur. France-Turquie ou la diplomatie Je t'aime moi non plus. Un documentaire de Franck Huguelier réalisé par Véronique Samouilloff. Tu comprends que tu l'as eu tort. Ambassadrice, ambassadeur, diplomate, humanitaire ou aspirante, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter Place Taksim, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Anaïs Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, on ira voir comment les artistes ont raconté le sida.